Noël Roger, celui qui voit. Enregistré par Christiane Johan, le cordonnier chinois. Savigné, ne vous arrive-t-il jamais de vous figurer entrevoir l'avenir? Les paroles de Duncan émergèrent des épaisseurs de silence que les minutes lentes accumulaient entre nous, s'ouvrirent un passage à travers ma rêverie et projetèrent une ombre au seuil de mon esprit. Comme tant d'autres soirs, je goûtais ce silence qui est l'expression la plus parfaite de l'amitié. Confondre ses pensées sans qu'il soit besoin de les formuler, tandis que se rejoignent les fumées jumelles des cigarettes. Une lampe de mosquée éclairait sourdement le désordre oriental de ce cabinet préféré de Lord Clarence. Tapis et tentures, coussins, divans bas, cabinet chinois incrusté de paillettes de nacre, qui égrenait des gouttes de lumière dans la pénombre. Bouddha de bronze doré, vase de jade et mots cloisonnés où s'accrochaient des lueurs en voyage, Lord Clarence, adossé au coussin dans sa posture favorite, les jambes repliées sous lui, accordait tant bien que mal à ce cadre exotique sa silhouette jeune d'anglais très moderne. Chaque soir, nous éprouvions le besoin d'ajuster nos esprits, de confronter notre pensée, après une journée écoulée à des besognes intellectuelles qui s'opposaient. Duncan avait déchiffré des textes sanscrits, s'était penché sur les abîmes bouddhiques, et pour reprendre pied dans l'existence, il avait cueilli dans les jardins de quelques poètes persans deux vers délicieux dont il me faisait respirer le parfum. Je descendais de mon laboratoire muni d'une provision honorable de cas de psychose qui lui paraissaient à lui des déviations de l'âme, nécessaires ou méritées. Et mon calme le faisait bondir, tandis que j'affirmais que le travail accéléré ou ralenti de la cellule nerveuse suffit à expliquer toutes les tares, et aussi tous les ordres de génie. D'ailleurs, nous ne manquions jamais de nous rejoindre sur un point vers lequel nous nous hâtions sans l'avouer qu'il s'agit des surprises infinies de ce que j'appelle la nature et que lui nomme le destin ou de la vaste étude qu'il prépare à ses heures sur l'origine des langues orientales et dont il agite avec enthousiasme les thèmes devant mes yeux émerveillés. Lorsque nous nous sommes rejoints, nous nous taisons, comme deux grimpeurs parvenus à la cime d'une montagne contemple l'étendue et goûte la beauté de l'instant, nous laissons venir à nous la douceur de notre amitié. « Dites, Pierre, » insista-t-il. Je tressaillis un peu déçu, je le croyais si proche, suivant avec moi le beau mouvement de son premier chapitre. Et voici qu'il apparaissait très lointain, déjà évadé de notre préoccupation commune, s'égarant dans je ne sais quel nébuleux espace. Je croyais aimer tout de Duncan jusqu'à ses défauts mêmes, cette nonchalance taciturne, cette façon de vivre comme à travers un songe, d'où il s'éveille en sursaut avec une fougue qui me déconcerte, et les contradictions de son humeur, ses jours de facétie, ses puérilités, ses rires d'étudiant d'Oxford et ses purs paradoxes à la Bernard Shaw. Mais cet ordre de questions qu'il s'aventure quelquefois à poser m'irrite. « Mon ami, ne pensez-vous pas aussi que les rêves ont un sens profond que nous ne savons pas saisir ? Sous les images incohérentes en apparence, il y a peut-être un avertissement, quelque message obscur de notre destin. Ou bien, ne croyez-vous pas qu'il y a des gens dont nous sentons de très loin l'approche ? De tels propos me paraissent indignes de son intelligence, de sa raison si droite. Comment peut-il, même en jouant, se prêter un instant à de si pauvres aberrations ? J'ai regardé Clarence. Il levait sur moi ses yeux noirs qui semblent une anomalie splendide dans cette figure blonde, sous ce front dont une souple mèche d'or pâle atténue la hauteur. Son expression m'offusqua. Je répondis un peu sèchement. Il m'arrive d'imaginer l'avenir, mais l'entrevoir, quelle absurdité ! D'ailleurs, vous savez ce que je pense là-dessus. « Oui, répliqua-t-il avec douceur, votre qualité de médecin, d'homme de science, de spécialiste de la neurologie vous interdit de vous pencher sur ces mystères. Quelque chose dans son accent me fit éprouver une sorte de malaise. Écartant ma répugnance à le suivre à travers ces sables mouvants, je demandai « Duncan, est-ce que sérieusement vous vous figurez entrevoir l'avenir ?» Il s'était redressé, ramena devant lui ses longues jambes, et il parlait d'une voix troublée, les yeux fixés sur le tapis. Je ne sais pas, quelquefois une image s'impose à mon esprit avec violence, et puis une autre, et je cherche en vain à les accorder entre elles. Je ne devine pas leur sens, des symboles peut-être, c'est comme l'alphabet d'une langue inconnue. Alors j'aurais besoin d'avoir un guide, et j'éprouve l'envie d'aller consulter certains professionnels pour qu'ils m'en donnent l'explication. Avoir un guide. Avec quelle intensité il avait prononcé cette parole. Alors je m'écriai sévèrement. Les somnambules, voulez-vous dire, les voyants, les chiromanciennes qui fourmillent sur le pavé de Paris. Voyons, Duncan, vous, un hypersensible, vous êtes plus réceptif qu'un autre. Il est trop facile de vous suggestionner. Vous tomberez entre les mains de simulateurs et de charlatans qui, peut-être, sauront vous convaincre. Ceci est une forme de maladie mentale qui sévit à notre époque déréglée. Prenez garde, je vous parle comme à mon ami le plus cher. Oui, c'est l'ami qui parle, et c'est aussi le médecin. Il releva les yeux, les posa sur les miens, et dit comme s'il n'avait pas écouté, « Mais j'ai peur d'être déçu. » Je continuai de l'admonester, je parlais du terrain solide, des faits contrôlables, du domaine scientifique assez vaste pour satisfaire la pensée sans qu'on se perde dans des imaginations malsaines. Je l'invitais à se donner tout entier à son œuvre qui orientait son existence trop libre. L'origine des langues orientales pouvait être une œuvre définitive. L'ardeur de mon plaidoyer m'étonnait. C'était la première fois que je consentais à prendre au sérieux ces bizarreries. Il semblait que quelqu'un d'autre en moi luttât contre sa personnalité secrète que j'avais cru brusquement entrevoir. Il m'interrompit avec un éclat de rire ingénu. « Savigné, encore un peu de temps et nous ferons ensemble un voyage. » Je voulus entrer dans la plaisanterie et mon rire sonna faux. « Ah, belle malice, nous devons aller chez ma mère en Savoie cet été. » « Non, il s'agit d'un voyage, d'un très grand voyage. » « Duncan, n'en parlons plus, puisque cela vous contrarie. Mais vous verrez, vous verrez. » Le silence tomba entre nous, je pris le parti de sourire. « Sans doute avez-vous quelques projets en tête, et comme vous savez que personne ne vous résiste, résistez à Duncan, à l'ordre caressant de ses yeux, à la vertu persuasive de son accent. » Un charme était en lui que je ne saurais ni analyser, ni définir, auquel devenaient sensibles tous ceux qui l'approchaient, jusqu'aux êtres les plus frustes. Il fallait pour lui résister de péremptoires certitudes. Déjà, il répliquait d'une voix brève, « Non, aucun projet, je vous assure. D'ailleurs, le projet, à quoi bon, puisque tout nous est dicté le moment venu ?» Je retrouve le souvenir exact de ces paroles. C'était peu avant ce jour où ma vie, jusqu'alors raisonnable, commença de se vider de toute raison. La vie d'un médecin à qui une rente modeste permet de fuir la clientèle pour se vouer à la recherche désintéressée, vie méthodique et régulière, dont les quatre murs d'un cabinet de travail forment tout l'horizon, soumise à la minutieuse observation des faits, pénétrée heure après heure par la discipline scientifique, c'est à dater de ce jour-là. Le 18 avril 1922, à midi comme de coutume, je quittai la page commencée. Je me levai plein de la hâte de retrouver Clarence. Nous avions pris l'habitude de déjeuner ensemble dans un restaurant du boulevard Saint-Germain, et jamais nous ne manquions ce rendez-vous. Une journée d'un bleu d'innocence qui précipitait le travail du printemps dans les jardins et sur les quais de Paris. Tandis que je traversais le Luxembourg, il me semblait, en passant sous les arbres, recevoir ma part de sève, de verdure et de boutons de lilas. La porte du restaurant ouverte d'une main preste. Un bref coup d'œil jeté de table en table. Il fallait bien se rendre à l'évidence, Duncan n'était pas là. Je l'attendis, il ne vint pas, c'était inconcevable. Sans s'être excusé, lui, l'exactitude même, la politesse faite chère. Inquiet, de méchante humeur, j'expédiai mon repas, et j'errais sous les arbres du Luxembourg avec la sensation puérile d'un abandon, presque d'une trahison. Cette heure était notre heure. André Obrevska elle-même n'aurait pu le retenir sans qu'il m'eût prévenu. Je songeais à notre amitié. Elle n'est pas très ancienne. Elle fut inopinée et décisive. C'est la guerre qui nous a rejoints. lorsqu'un morne soir de 1917, où le canon grondait sur tout le front de la Somme, on apporta dans mon service cet officier anglais, criblé de blessures. Quel intérêt profond, qui n'était pas l'intérêt professionnel, riva mes yeux au blême visage insensible ? Pourquoi ce blessé étranger me devint-il soudain plus cher que tous les autres ? Et quand je vis enfin se soulever les longues paupières et que je reçus le regard inattendu des yeux noirs, quelle brusque joie m'envahit comme si j'avais participé à la résurrection d'un être de mon sang. J'étais seul, mon foyer détruit, ma femme, lasse sans doute de vivre solitaire, avait abandonné à ma mère le soin de notre petit garçon. Elle était partie un beau jour, sans laisser d'adresse. Duncan devint mon frère et mon ami. Nous passions nos permissions ensemble et nous avons continué sans relâche la découverte mutuelle de nos esprits. Ainsi, la guerre finie, Clarence, qui apporte avec lui tout l'imprévu de sa race et de sa culture, de son éducation d'athlète, toutes les richesses de ses voyages, Clarence, citoyen des paquebots, habitué de l'Express-Orient et du Transsibérien, cavalier du désert, amoureux des aventures, fit irruption dans ma vie sédentaire. Peut-être à son insu a-t-il besoin de ma raison lucide, de mon scepticisme, de ma vue claire et quelque peu restreinte des choses, comme j'ai besoin de sa fantaisie. Et si nous mêlons nos ironies, notre mépris un peu puéril des gagneurs d'argent, notre dédain des arrivistes et des politiciens, notre haine désuète de la médiocrité, du facile et du convenu, notre défiance à l'égard des femmes inaptes à penser, une seule exceptée, nous savons bien qu'il y a entre nous un peu de cet inconnu qui sépare les sexes et redouble la violence de l'amour. C'est peut-être cette part d'inconnu qui passionne ainsi notre amitié. Mais pourquoi n'est-il pas venu ? En vain, je m'efforce de penser à l'ouvrage que je prépare, le dynamisme des neurones, en collaboration avec un ancien condisciple, médecin à la Salpêtrière. Une soudaine lassitude m'accable. Machinalement, je m'arrête au bord de la pièce d'eau où des enfants, excités par le soleil et le jeu, lancent leurs bateaux à voile blanche. Des cris, des rires, des reflets, des sillages aussitôt effacés, et les vaisseaux qui chavirent les uns après les autres, traînant leurs toiles alourdies. Nous, les hommes, avons-nous jamais fait autre chose ? Lancer des bateaux sur un basson rond, les voir chavirer, recommencer ? À quoi bon notre effort ? Une théorie neuve effacera bientôt celle que nous avons énoncée, auquel nous avons consacré notre vie. À quoi bon ? Je reste là, debout, baissant la tête. Et voici qu'à travers le vacillement de ma songerie, je crois saisir l'accent de mon ami qui répond à ma défaillance « Rien n'est inutile. Nous ne pouvons connaître le prolongement secret de notre pensée. » Alors, je me remets en route et je rentre à la rue de Vaugirard, accélérant le pas comme si j'étais attendu. « Monsieur est de bonne heure aujourd'hui, » s'écrie ma vieille Françoise, accourue à mon tour de clé. L'ordre sévère de mon cabinet m'accueille. Sur ma table, la statuette du dieu Janus à double visage que m'a donné Clarence laisse tomber sur moi son regard ambigu. « Allons, il faut reprendre la phrase commencée. » J'ouvre la porte du laboratoire adjacent et j'inspecte dans les bocaux une série de grenouilles, soumises périodiquement à des excitations électriques. Ce fut à cet instant que le téléphone m'appela. « Allô ?» Et la voix pressentie vint à moi comme une bonne nouvelle. « Allô, c'est vous, old brother ? Désolé de vous avoir manqué de parole. Attendez-moi, j'arrive dans 5 minutes. » Il fait bon de se moquer de soi-même. 5 minutes, pas davantage, il entra. Sa belle figure imberbe portait de la joie comme un lilas porte ses fleurs. La joie est l'expression la plus naturelle de ce visage. La bouche est vraiment dessinée pour le rire. Je remarquai la fièvre de ses yeux noirs, ses yeux qui n'ont jamais fini de surprendre, parce qu'ils semblent appartenir à un autre visage. « Duncan, que vous arrive-t-il ? » Un instant, je crus qu'il allait m'annoncer qu'André Obrovska, qui l'aime d'un fidèle et timide amour, avait enfin consenti à demander son divorce et promis d'épouser Clarence. Il dépliait un journal anglais, indiquant du doigt un passage souligné au crayon bleu. « Lisez, lisez !» Je lus avec stupéfaction « Interview d'un cordonnier chinois dans l'East End ». Le journal tomba sur le tapis. « Qu'est-ce que cette histoire ? C'est pour cela que vous m'avez laissé déjeuner seul ? Lisez. Un journaliste poursuit une enquête dans les rues asiatiques de l'East End londonien. Il interroge un cordonnier de Pékin qui s'est installé à Londres pour rejoindre sa fille mariée à un Anglais. Voyons, Duncan, est-ce une plaisanterie ? Quel intérêt ? Lisez ! Je suis pauvre aujourd'hui, déclare le cordonnier chinois. Le grand voyage. Ma fille, dont le mari chôme toujours. Les petits qu'il faut nourrir. Mais là-bas, je gagnais de l'argent. J'avais découvert le moyen de vendre mes babouches moins cher que les autres. Alors, tout le monde me les achetait. Je n'arrivais pas à en faire assez. Pourquoi les vendait-il meilleur marché ? Quel était ce moyen ? Le reporter obtint enfin une réponse. « À présent que je vis si loin de la Chine et que je n'y retournerai jamais, je puis vous le dire. » Cet homme avait trouvé dans le désert, par hasard, un trou rempli de parchemins. Plus on en prenait et plus il y en avait. Des parchemins couverts d'écriture. Il y retourna à plusieurs reprises, fit d'amples provisions. Il confectionnait ses chaussures avec des pots qui ne lui coûtaient rien. Duncan rencontra mes yeux, à la fois étonnés et déçus. Très curieux, en effet, Clarence, et c'est un grand dommage pour les parchemins. Mais je ne comprends pas. « Il en reste » cria-t-il. « Ne comprenez-vous pas qu'il en reste ? Que ces manuscrits anciens peuvent avoir une importance extraordinaire ? Que la science les ignore ? Qu'il faut à tout prix les sauver ?» Une telle passion illuminait son visage que je contins ma raillerie. Je me bornai à hausser les épaules en répétant « Les sauver, quelle entreprise ? Dans les déserts de Mongolie ? Et pourquoi pas ?» « Vous rêvez, Clarence ?»« Je rêve ?» Courbé sur ma table, il bousculait mes livres. « Qu'est-ce que ceci » demanda-t-il tout à coup, avec un rire taquin, en brandissant un ouvrage d'archéologie grecque qui se dissimulait sous les bouquins traitant de psychiatrie. « Ceci, vous le savez, mon violon d'Ingres. »« Eh bien, vous allez en jouer de votre violon d'Ingres, old brother !» Penché vers moi, me tenant sous la suggestion de ses sombres yeux volontaires, il continuait ardemment. « Vous savez bien qu'il y a des pénétrations de la civilisation grecque jusqu'en Chine, à travers l'Asie mineure et la Perse. Vous exhumerez des statues de style grec dans les sanctuaires bouddhiques. Et pendant que j'étudierai mes parchemins, quelle magnifique symphonie vous exécuterez sur votre violon d'Ingres ! Clarence, quel âge avez-vous ? 18 ans ? J'ai l'âge d'Atlantide. « Fit-il sourdement. « Je suis à la recherche des secrets perdus depuis les commencements du monde, et dont l'extrême-orient peut-être a sauvé quelques-uns. » Saisi par cet accent, je ne souriais plus. Je n'avais jamais douté du sérieux de ses études de chinois et de sanskrit, quoiqu'il se considérât comme un simple amateur. Mais cette flamme soudaine qui le transfigurait, je ne l'avais point soupçonnée. Cependant, il se maîtrisa, sa volonté semblait ordonner son visage. Il retrouva son sourire de tous les jours. « J'ai un oncle ambassadeur à Pékin. Il nous obtiendra toutes les facilités, » expliqua-t-il d'une voix légère, comme s'il s'agissait d'organiser une excursion à Fontainebleau. « Quant à la question d'argent, vous savez bien qu'elle ne compte pas. » Seule allusion qu'il fit jamais à son immense fortune. Alors je me rétablis dans la réalité. « Tout de même, Duncan, vous n'y songez pas. » Et je me détournais pour échapper à la prise de possession de son regard. « Non, vous n'y songez pas. Une expédition si lointaine, si dangereuse, sur la foi d'une interview. Ce cordonnier est peut-être un mystificateur. D'ailleurs, il n'indique même pas l'endroit. » Il répondit, « Nous partons demain pour Londres par avion, à 1h40, au Bourget. » « Vous dites, j'ai retenu nos deux places, » continua-t-il paisiblement. C'est pourquoi je n'ai pu être à 12h30 au restaurant. Le convoi était au complet. J'ai dû rejoindre un négociant et sa femme qui ont bien voulu remettre leur voyage de quelques jours, moyennant une forte indemnité. Il nous est impossible d'attendre, vous pensez bien. La 7h des Gazettes a près d'1 million de lecteurs. Dieu veuille que nous arrivions les premiers. Enfin, Duncan, vous pensez que nous aurions dû partir ce soir par le train ? Oui, mais ce soir, vous savez, Madame Obrazka reçoit, je n'aurais pas voulu manquer son jour. » Je le regardais, le souffle coupé. Ce dernier mot me rendit quelque assurance. « Enfin, Clarence, Madame Obrazka, que dira-t-elle si vous partez pour le Turkestan oriental sur la simple affirmation d'un cordonnier chinois ? » il se tut, comme il faisait toujours lorsqu'on prononçait devant lui le nom d'André Obrevska. Il semblait se recueillir et cherchait une parole qui fût assez délicate sous l'extrême réserve. Il dit enfin à voix basse « Elle comprendra qu'il vaut mieux que je quitte Paris pour quelque temps. » Il se leva, je me levai aussi, il me prit par les épaules « Préparez votre sac, old fellow. Demain, 11 heures, nous nous verrons ce soir chez elle. Je viendrai vous prendre en auto. » Je savais bien que Lord Clarence aimait André Obrevska. Mais ce soir-là seulement, je soupçonnais la profondeur de cet amour. C'est moi qui l'ai présenté à André, que je connais depuis son enfance. Une orpheline appartenant à la grande bourgeoisie française, élevée silencieusement au fond d'un vieil hôtel de Paris, ignorante de sa fortune et de sa grâce, et qui devint la proie d'un aventurier slave. L'histoire est commune en somme. Plus commune encore est la suite. André, trahi, ruiné, n'a jamais laissé deviner qu'elle souffre, pas même à ma mère, qui est sa marraine et sa plus ancienne amie. Peut-être, avant de le connaître, a-t-elle aimé cet énigmatique Vladimir, d'une beauté irritante, et qui, sous des façons de grand seigneur, dissimule Dieu sait quoi, brutalité, fourberie, orgie crapuleuse, effréné besoin d'argent. Il est le père de sa petite Claire. Et elle s'applique à vivre comme une femme heureuse. À partir de la première entrevue, Lord Clarence n'a plus manqué un jour de la comtesse Obrevska. Il arrive tard, se mêle froidement à la conversation, reste le dernier et demande à André de jouer un morceau de piano, puis il se lève, la remercie avec dévotion et s'en va. Cela dure depuis 3 ans. Ce soir-là se passa comme tant d'autres soirs. Lorsque nous sommes entrés, le cercle de familiers entourait André, quelques-uns venus par habitude ou par curiosité, certains aspirant au rôle de consolateur, guettant leur heure qui ne sonnerait jamais. Quelques jeunes femmes essayaient d'attirer André dans leur bande, elles discutaient scandale du jour et littérature. De leur bouche, qu'elles avaient la conscience de repeindre à tout instant, s'échappaient à l'envi les noms de Proust, de Freud, de Bernard Shaw. André les écoutait, un demi-sourire errant sur ses lèvres sincères. Elle semblait une exilée dans ce milieu disparate qu'assemblait autour d'elle sa grâce et son infortune. Elle portait, comme toujours, une toilette noire, de noir différent, dont les reflets se répondaient avec un art subtil, un seul bijou, un collier de perles, et ses épaules, ses bras, l'ovale de son visage, apparaissaient du même blanc précieux que les perles. Aucune tristesse dans ses beaux yeux couleur de feuilles mortes. Attentive aux plaisirs de ses hôtes, elle passait sans bruit entre les groupes, si naturelle parmi tous ce frelaté des visages et des esprits, si secrète à travers ce bruyant déballage des snobismes, si différente. Un instant, elle s'arrêta auprès de Lord Clarence, qui s'informait de l'enfant, et le sourire lointain d'André se précisa, se fixa, vint à la rencontre des yeux noirs posés sur elle avec une douceur inquiète. Ce fut tout. Des femmes se mirent au piano, on entendit un tumulte d'accords, des cris, des trémolos et des gestes simulèrent tour à tour la passion des héroïnes de Gluck et de Debussy. Lord Clarence, à l'écart, gardait entre ses paupières mi-closes la figure d'André qui continuait à donner sa comédie de femme heureuse. Ce fut enfin le silence. Les hôtes prirent congé, s'esquivèrent. André, déposant son rôle, se retourne vers nous deux qui, debout au milieu du salon, semblons nous apprêter à les suivre. Son geste nous retient. « Êtes-vous donc si pressé, Pierre ?» C'est toujours à moi qu'elle s'adresse. Le salon, enfin vidé de tous ses importuns, révèle son élégance discrète, les harmonies des bouquets qu'André compose comme des poèmes. Petite fille, elle savait déjà ordonner les fleurs. Elle éteint le lustre, ne laissant que la lumière diffuse des lampes sous les abat-jours de soie peinte. Un peu de musique, et nous sentons tous les trois que c'est la première fois de la soirée qu'il est question de musique. Un seul morceau, jamais davantage, malgré la prière muette des yeux de Lord Clarence. Ce soir-là, ce fut le 21e prélude de Chopin. les arpèges de la basse laissant percer une plainte, contenue d'abord puis s'amplifiant, devenant presque insoutenable à force d'être déchirante, et qui meurt enfin comme étouffée sous la progression des lourds accords monotones, nous avons écouté s'éteindre la dernière vibration. Duncan, dans son fauteuil, semblait un marbre endormi. André, immobile, la nuque ployée sous la torsade de ses cheveux d'un blond léger, ne se retournait pas. Sans doute s'appliquait-elle à rattacher son masque. Je croyais saisir au fond du silence l'effort de ces deux êtres qui se reprenaient, s'écartaient par pudeur, par raison, par devoir. Lorsque, enfin, elle se redressa et vint auprès de nous, sa face, un peu tendue, avait rappelé son sourire. Lord Clarence lui baisa dévotement les mains et nous sommes sortis sans une parole. Dans la rue, j'ai pris le bras de Clarence et j'ai dit tout à coup que malgré moi, Duncan, tout Paris sait que cette femme est malheureuse. Pourquoi ne la consolez-vous pas ? Il eut un soubresaut. Je sentis à quel point je l'avais froissé. Il fit quelques pas, puis il dit à voix basse, « André sera ma femme un jour. Les hommes du genre d'Obreski finissent mal tôt ou tard, et c'est justice. » Et brusquement, changeant de ton, « Bonsoir, old fellow, n'oubliez pas, demain, 11 heures. »« Clarence, André vous aime. Renoncez à votre folle entreprise. » Il me regarda comme s'il n'avait pas entendu et répéta, « 11 heures, soyez prêts. » Et il s'éloigna à grands pas, se perdit dans la nuit. De ces 2 heures d'avion, il m'est resté le souvenir d'un malaise où se mêlaient l'appréhension d'une démarche absurde et le désagrément de sentir au-dessous de soi ce vide qui n'en finit plus, cet azur menaçant où la moindre panne de moteur peut vous précipiter. Ce fut enfin l'apparition de cette démesurée couverture de brume marquant l'emplacement de Londres sur la carte confusément bariolée qui semblait monter vers nous. Toutes les fumées du monde s'y trouveraient à l'abri. Morceaux de nuit oubliés par mes gardes sur l'étendue lumineuse, colossal palais de ténèbres, et je me demandais, avec une puérile inquiétude, comment nous percerions l'épaisseur de ce toit. Il se déchira soudain, un point clair apparut au fond d'un entonnoir bleu. « Hampstead, fit mon compagnon, l'East End est là. » Sa main indiquait une fosse plus sombre dans l'entassement de brouillard où nous allions plonger. Pas une minute, il n'avait cessé de penser au cordonnier chinois. Sans doute l'imaginait-il déjà au seuil de quelque échoppe, sous cette couverture de suie et de fog. Je dominais une sensation de mal de mer et me tus. Pour la première fois, j'éprouvais contre lui une sourde irritation. « Je n'ai jamais pu respirer sous ce fog, dit Lord Clarence, tandis que nous roulions en auto sur la route de Croydon. C'est pourquoi mon père, un Anglais intransigeant, me fit élever en Écosse, dans la propriété de ma mère. Il évitait toujours le mot de château pour désigner ce manoir du XVe siècle, flanqué de tourelles, dominant d'immenses espaces de bruyères, et où je recevais, chaque automne, une fastueuse hospitalité. Quant à son donjon héréditaire du pays de Galles, il en parlait moins encore. « Où allons-nous, Duncan ?»« Dans le Strand. J'ai un ami à la 7 heures des Gazettes. Il s'agit de retrouver le reporter qui nous donnera l'adresse exacte. » Je souhaitais que ce reporter fût en train de poursuivre ses interviews à l'autre bout du monde. Mais il arriva presque immédiatement dans le cabinet du directeur où nous étions installés. L'adresse, il la donna tout de suite. Une impasse quelconque de l'East End dont j'ai oublié le nom. « Vous croyez un mot à cette histoire de parchemin ? » commenta-t-il avec un petit rire. « Mais j'ai raconté cela comme une bonne plaisanterie. » La face rasée du directeur de la Saturday Gazette s'épanouit. « Une histoire qui a du succès, » constata-t-il. « Ceci entre nous, car il faut surtout tenir l'intérêt des lecteurs en suspense. Mais ce cordonnier semble réellement, comment dites-vous en français, un peu silly. Loufoque. » suggérai-je avec empressement, comme une protestation que Duncan sentit. « Non pas loufoque, » répliqua-t-il d'un ton de gravité inusité. « La traduction est inexacte. Étrange, peut-être. Nous allons voir. » Et sans demander de plus amples détails au reporter ahuri, il prit congé et m'entraîna. Le directeur nous accompagna jusqu'au seuil du couloir. Lord Clarence, je suppose que vous connaissez l'East End. Oui, alors vous savez que pour se promener dans ces endroits-là, il vaut mieux n'être pas trop bien mis. Il sourit au veston impeccable, aux manchettes que le voyage n'avait même pas ternies. « Je sais, répondit Clarence, tous mes remerciements. » Duncan fit arrêter l'auto à l'angle de Whitechapel et de Commercial Road, se renseigna auprès d'un policeman et tirant de son sac deux waterproofs fripés, il m'en passa un, revêtit l'autre. Et nous nous sommes engagés dans ce dédale de ruelles identiques, entre des maisons basses, sordides, assemblant avec une monotonie désolée leurs briques noircies, dévidant leurs cours pleines d'immondices. Public house, femmes en cheveux, haillons, teint blafard, alcool et boue, la capitale de la misère du monde. Brusquement, l'atmosphère changea dans le cadre pareil. On voyait aux devantures des boutiques les caractères hébreux. Les noms des rues s'inscrivaient dans la langue d'Israël. Des nippes éclatantes pavoisaient les fenêtres et de belles figures brunes émergeaient des châles safran dont les franges semblaient des effilures de soleil. « Ici les Juifs, » murmura Lord Clarence, « la Chine, c'est plus loin. » Des matelots à face jaune entassés dans un bar, les maisons, à demi effacées par la brume, ressemblaient à une peinture délavée qui perd ses contours, et sur les seuils, ces figures étrangères, aux longs yeux bridés, ces sourires d'un autre monde. « Voici l'impasse, » dit Lord Clarence. Je marchais sur ses pas, je le vis s'arrêter devant une pauvre boutique, où des babouches à la mode chinoise s'étageaient en guirlande le long des vitres sales. Il fallut descendre deux marches. Celui que nous cherchions apparut dans l'ombre de l'échoppe, un corps malingre qui avait dû passer sans transition de l'adolescence à la vieillesse, un visage lisse, à tel point immobile qu'il semblait pétrifié, toutes les rides réfugiées autour des yeux qui n'étaient que de vives étincelles trouant les longues paupières et dont on s'efforçait instinctivement d'éviter la brûlure. Il semblait ce corps rabougri, cette face sans âge, n'existasse que pour porter ce regard. Il comprit tout de suite que nous n'étions pas des acheteurs, et le vague sourire s'effaça sur ses lèvres serrées. « Ah oui, » dit-il enfin, en un assez bon anglais. « Je sais pourquoi vous venez. Il paraît que le monsieur de l'autre jour a écrit dans les journaux. On ne m'y reprendra pas une seconde fois. » « Je vous donne ma parole d'honneur, » dit gravement Lord Clarence, « que je n'écris pas dans les journaux, ni mon ami non plus. » Il s'assit sur une chaise boiteuse, en face du tabouret qu'il fit signe au cordonnier de reprendre. L'odeur des cuirs flottait dans le taudis, bizarrement mêlée à la sensation de mal de mer, cette odeur que je ne supporte plus depuis lors. À mi-voix, sur un ton de confidence, Duncan parlait de Pékin, qu'il semblait connaître comme s'il y eût passé sa vie. « La rue des cerisiers fleuris, » disait-il, « vous en souvenez-vous ? J'avais là un ami qui était cordonnier, lui aussi. Je lui achetais mes babouches. Nous autres, Européens, nous ne savons pas ce qui est confortable. » Un énigmatique sourire desserrait les lèvres minces du Chinois. « Dur à supporter notre fog quand on vient de là-bas, » reprenait Clarence. « Les premiers temps après mon retour, je ne pouvais retrouver l'habitude du ciel anglais. Alors, je restais couché toute la journée. » « Aussi, marmotta le vieux, pourquoi les enfants ne veulent-ils plus entendre raison lorsqu'ils ont touché à l'Europe ? J'aime encore mieux vivre sous le fog avec ma fille et ses petits. « Vous avez assez de compatriotes ici pour écouler vos babouches ?» demanda Clarence, comme s'il ne pouvait pas contenir plus longtemps son intérêt pour cet humble commerce. Il osa enfin risquer la question précise. « Est-ce que par hasard, vous auriez gardé une paire de ces babouches confectionnées avec les peaux trouvées là-bas ? » Il tenait ses yeux fixés sur le cordonnier chinois, et je savais déjà que cet homme ne résisterait pas à la persuasion de ce regard. « Oui, vous en avez une. Voulez-vous me la montrer ?» Le vieillard s'était levé, il fourrait ses mains déliées dans un coffre crasseux, il chercha longtemps, il en sortit une paire de babouches d'un ton bi, très pâle, qu'il tenait par les cordons au bout de ses menus doigts jaunes. Lord Clarence les prit avec respect. « Comme elles sont souples, » admira-t-il. « Vous avez eu là une idée splendide. » L'homme souriait. L'étincelle entre ses paupières plissées s'aviva. Il montra ses dents larges, jaunies par le jus du tabac. « Comment vous est-elle venue ? » poursuivit Duncan, qui jouait avec les babouches. Oui, comment avez-vous découvert l'endroit? Le cordonnier ne résistait plus, il se recueillit, et ses lentes paroles semblèrent tirées de lui par le regard de Clarence, un pâtre tibétain d'une famille de nomades, et que j'avais recueilli mourant de faim dans les rues, le connaissait. Il m'aidait à préparer les pots. J'habitais sous Tchéou en ce temps-là. Un jour, il me dit qu'il y avait dans le désert un trou rempli de pots, toutes préparées. Il offrait de m'y conduire. C'était la guerre. Les cuirs étaient hors de prix. Les gens préféraient aller pieds nus. J'avais deux ânes. J'ai pris mon fils et le berger. Nous sommes allés à Ami. Et c'est là, 3 jours de là, dans le désert, au pied des montagnes. 3 jours en marchant bien. « À 3 jours de Hami !» répéta lentement Clarence, comme s'il prenait des notes. « Du côté de l'ouest ?»« Du côté de l'ouest. Le 3e jour, on voit la pierre qui commence à devenir jaune. C'est là. Il y a un grand trou bouché par les sables. Il faut déblayer pour entrer. Les pots montent jusqu'à la voûte. 2 fois j'y suis allé. « En reste-t-il encore ?» demanda Duncan. « Oh, ce que j'ai emporté est rien !» Cela ne fait pas de différence, tant il y en a, tant il y en a. Mais vous n'êtes pas cordonnier, et puis c'est trop loin, vous n'irez pas. Qu'est devenu le pâtre tibétain ? Demanda Lord Clarence. Dans la demi-obscurité de l'échoppe, je crus voir la face jaune devenir terreuse. Il est mort. Quand cela ? La seconde fois que nous sommes retournés là-bas. Il y eut un silence, je sentis que cet homme ne dirait rien de plus. Et pourtant, à ce moment-là, je ne prêtais aucune attention à la mort fortuite du pâtre tibétain. « C'est dommage, » dis-je ironiquement en français, « il aurait pu nous servir de guide. » Mais Duncan n'entendit même pas. « Vous avez bien remarqué, » demanda-t-il encore, « qu'il y avait des caractères écrits sur les parchemins. Tenez, comme il y en a sur celui-ci. » Penché vers le rectangle de jour trouble que dessinait la fenêtre, il examinait une ligne de fine écriture, visible le long de l'empeigne. Brusquement, il se retourna vers le cordonnier et saisit le signe affirmatif. « Je mettais de la couleur dessus, » expliqua l'homme. « Mais un jour, le prêtre m'a lu un mot sur une de mes babouches que je n'avais pas terminée. « Quel mot ?» Le vieux ne répondit pas. « Voulez-vous me vendre cette paire de babouches ?» Non, pas même un gros prix. Non, pas même 10 livres, 20 livres. Une hésitation passa sur le masque jaune qui se plissa soudain. Sans doute, pensait-il, à sa fille, aux enfants de sa fille, à la misère écrite sur de petits visages faméliques, nés de sa chair. Je regardais la pauvre boutique où l'énoncé de pareilles sommes résonnait comme des chiffres fabuleux. Et puis, je contemplais cet homme torturé. Non. 30 livres ? Cessez de me tenter, dit-il avec un accent de souffrance. Je ne les vendrai pas. Il a raison, soupira Lord Clarence en français. Ce que je fais est mal. Et cependant, j'aurais voulu achever de déchiffrer cette ligne. Il abandonna les babouches et tendit au cordonnier sa main où brillait une émeraude qu'il tenait de sa mère. Je vous remercie de ce que vous avez bien voulu me dire. En témoignage de ma reconnaissance, permettez-moi de vous offrir ceci. Il déposait sur l'établi 5 pièces d'or. La face du cordonnier s'illumina si largement que je crus une seconde que cet homme allait nous tendre les babouches. Il n'en fit rien. Ses doigts soigneux les enfouirent dans le coffre. Puis il se retourna vers nous et dit à Lord Clarence d'une voix basse et pressante, « N'allez pas là-bas. Au nom de tout ce qui vous est cher, n'y allez pas. » Le regard de Duncan fixé sur lui l'interrogeait, mais le cordonnier hocha la tête en signe d'humble dénégation, son mince doigt jaune posé sur sa bouche cousue. « Venez, Pierre, c'est inutile, » murmura Lord Clarence. Nous avons marché sans rien dire, en filant les rues boueuses, inattentives aux habitants hétéroclites, parmi lesquels nous-mêmes, dans nos manteaux salis, nous avions l'air de 2 passants minables. Je ne voulais pas lui laisser voir mon contentement de cette entrevue manquée, et j'éprouvais une douleur secrète en songeant que pour la première fois, ma joie était faite de sa peine. Enfin, l'essentiel n'était-il pas qu'il renonçât à une fantaisie absurde et dangereuse? Nous avons débouché dans l'artère spacieuse de Whitechapel et je guettais un taxi lorsque Clarence se retourna vers moi. « Quel jour voulez-vous partir ?» Je sursautais. « Vous, Vous entendez partir pour Paris, mais le plus tôt possible. Assez de temps perdu comme cela. » Il secoua la tête et je regrettai ma lâche réponse. « Savigné, serez-vous prêt la semaine prochaine ?» Je balbutiai comme malgré moi « pour aller au Turkestan chinois ?»« Oui. Duncan, vous avez de si faibles indices. L'endroit où la montagne devient jaune, c'est fou, tout simplement. Il y a 100 à parier contre 1 que vous ferez un voyage inutile, un immense et périlleux voyage inutile. » « Mais quel voyage ? » reprit-il avec une passion contenue qui me réduisit au silence. « Si nous ne trouvons rien, nous irons à Tourfan. Vous connaissez ce nom de Tourfan ? Les fresques du Bouddha qu'a rapporté von Lecoq. Ah, le Turkestan chinois, les travaux d'Orelstein, les travaux de Pelliot. Vous savez qu'on a retrouvé beaucoup de statues grecques à Tourfan et des ballots pleins de manuscrits déchirés en menus morceaux, lacérés, mêlés. Tandis que là où nous allons, nous trouverons des manuscrits intacts, que je déchiffrerai. Vous entendez, Pierre ? Intacts ! Ils éclaireront l'histoire et l'archéologie. Ils éclaireront peut-être la vie. Vous ferez une publication magnifique. Et moi ? Il se tut soudain. Il y avait sur son visage une sorte d'extase. À quoi bon parler à cet halluciné de mon travail, de mon livre sur le dynamisme des neurones, de l'éditeur qui attendait ? Je sentais d'avance ses faibles objections balayées. Quant à le laisser partir seul, non, vraiment, je ne pouvais envisager cette perspective. « Voyons, reprit-il d'une autre voix, calme et nette, nous sommes aujourd'hui le 19 avril. Voulez-vous partir le 1er mai ?»« Le 1er mai, répétai-je, vaincu, j'aurai le temps d'aller en Savoie embrasser ma mère et mon fils. »